Chapitre 3e. Conseil de cabine. Le soir de ce même jour, il y avait chez Toto réunion de la famille au grand complet. Suzon et Michel d'abord, puis Justine, la bonne canne, et aussi Isaac, qui maintenant était de la maison, Justine sur la table, Isaac sur le tapis et sur son derrière. On sait que les faits, actuellement racontés, sont antérieurs à l'affaire de la maison tragique, donc papa, le perroquet, ne faisait pas encore partie du cénacle. Après son entrevue avec Madame Mullard, Toto était sorti et n'était plus rentré qu'assez tard dans la soirée. Même, par grande exception, il n'avait paru ni à l'apéritif du café de la Porte Saint-Martin ni au restaurant. « Je crève de faim, » avait-il dit. « Petite Suzon, va voir chez le charcutier, si pour de l'argent. Il voudrait bien te confier une tranche de galantine. Idem chez l'épicier, un morceau de gruyère. » Isaac avait sauté après lui en jappant amicalement. « Tout beau, le ressuscité, laisse-moi me repaître. Après quoi nous causerons ?»« Tu as l'air tout affairé, » dit Michel. « Te voulant qu'on lançait dans une aventure. Je parie que c'est à propos de la femme du 6e. Tu l'as dit, Bouffi. Seulement, où tu erres, c'est de l'appeler la femme du 6e, car elle n'y est plus. Comment cela ? Oui, mon petit. Pendant que tu étais à l'atelier, une voiture d'ambulance est venue la chercher et la transporter dans une maison de santé. Et quelle maison ? Tu m'en demandes trop. C'est le docteur Tozan qui s'est chargé de l'opération. Mais sois tranquille, elle n'est pas perdue. » Suzon revint avec les denrées demandées. Elle voulait mettre le couvert, mais Toto s'y opposa formellement et s'installa sur le bord de son bureau avec un couteau et une miche de pain. « Et maintenant, » fit Fouinard tout en mangeant de bon appétit, « écoutez-moi tous. Une, deux, je commence. Il y a au bagne de Cayenne un pauvre bougre qui était condamné aux travaux forcés à perpétuité pour assassinat suivi de vol. Ce malheureux est innocent. » Michel et Suzon laissèrent échapper un cri. « Je vous invite, » dit Fouinard, « à imiter le silence de Justine et d'Isaac, qui n'en pensent pas moins, j'en suis certain. » Donc, ce forçat subit son martyre depuis 7 ans. Comment, innocent, a-t-il été condamné ? Rien de plus simple. 2 faux témoins, subornés à prix d'argent, l'ont accusé, ont déposé contre lui et ont enlevé le verdict du jury. Voilà ce que je savais ce matin. Je vous donne la chose toute nue, sans vous expliquer encore ce que valent mes renseignements. Or, je me suis dit tout d'abord, que je pouvais m'être trouvé en face d'une folle. C'est de la mère Mullard que je parle. Qu'elle pouvait avoir créé cette histoire de toute pièce dans son imagination, qu'il n'y avait peut-être pas eu ni assassinat ni procès, ni condamnation et par conséquent ni forçat. J'ai vérifié les faits. Il a bien eu, le 22 décembre, il y a 7 ans, un crime commis dans une maison de la rue Pouchet. Une femme a été assassinée dans sa chambre à coucher. Sa tête a été écrasée à coups de marteau. On a forcé son secrétaire et on y a volé une somme évaluée à 6 ou 7 000 francs, peut-être 10. Madame Boisselin passait pour très avare, gérant ses affaires elle-même et ne rendant de compte à personne. On suppose que ce crime a été commis de minuit à 2 heures. En effet, jusqu'à minuit, les domestiques, c'est-à-dire une cuisinière et une femme de chambre, étaient encore debout, leur maîtresse veillant pour attendre son mari qui était absent, non pour son plaisir, mais parce qu'il était retenu par son travail. Ce fut lui qui, de retour à 2h30 du matin, entra dans la chambre de sa femme et constata l'effroyable événement. Il appela au secours, on accourut, et les constatations judiciaires s'ensuivirent, ainsi qu'il convient. L'assassin avait pénétré par une fenêtre du premier étage. Un carreau avait été habilement cassé par le procédé habituel des cambrioleurs, une feuille de papier appliquée contre le verre et amortissant le bruit. L'homme avait bondi dans la chambre éclairée par une veilleuse du genre dite lampe-pigeon. Surpris en plein sommeil, la victime ne s'était même pas débattue. Le premier coup de marteau avait dû lui écraser le crâne. Le mari, au désespoir, activa les recherches de la police, et bien vite, on découvrit que le crime avait dû être commis par un rôdeur des fortifications, se nommé Sordet, qui, sans domicile fixe, couchait dans les fossés, vivant des quelques sous qu'il récolte le soir en chantant dans les guinguettes. Car ce Sordet était presque un confrère à moi, une manière de cabotin, qui avait figuré dans les chœurs des théâtres lyriques. Vous devinez bien que tous ces renseignements, je ne les ai pas devinés. Je suis allé tout simplement à la Gazette des Tribunaux, où on a bien voulu me communiquer la collection. C'est donc du portrait tracé par l'accusation que je puis me former une idée du personnage. Je n'en prends pas la responsabilité. Fils de bonne famille, sordais, originaire de Chartres, après avoir reçu dans le lycée de sa ville natale une éducation assez complète, était venu à Paris pour faire son droit. Ses parents lui fournissaient une pension mensuelle qu'il dépensait dans la première semaine, vivant le reste du temps de crédit et d'expédients plus ou moins honnêtes. Bien entendu, il ne paraissait jamais à l'école, se piquant de littérature, collaborant à des revues mornées, assiégeant les secrétariats de théâtre avec des pièces ridicules qu'on ne lisait même pas. Ses déboires, joints à la misère que son inconduite et sa prodigalité avaient bien vite fait succéder à son aisance première, exaltèrent son imagination. Il se proclama homme libre, rebelle à toute contrainte, haineux de toute civilisation, prêchant le retour à l'état de nature, entremêlant ses divagations de théories subversives, la communauté des biens, l'altruisme obligatoire. Ses parents étaient morts et lui avaient laissé quelques billets de 1 000 francs. Il les gâcha à fonder une revue humanitaire. Entouré de parasites faméliques, il joua la comédie de la charité à outrance, tant et si bien qu'il retomba dans la pauvreté la plus complète et la moins intéressante. Il s'imagina de faire à pied le tour de France, chantant et déclamant des poésies qu'il qualifiait de fraternitaires. La gendarmerie le pourchassait de ville en ville, il s'avisa plusieurs fois de se rebeller et fut condamné dans plusieurs villes à la prison pour outrage à la force publique. Tel était l'homme qui, quelque temps avant le crime de la rue Pouchet, était venu s'installer dans une misérable baraque du boulevard Bessières. C'était la chute, la décadence irrémédiable. Cet homme, je cite les paroles textuelles du procureur de la République, était marqué pour le crime. On l'arrêta, on fouilla sa baraque. Et dans un trou creusé dans la terre, on trouva 3 billets de 1 000 francs et 200 francs d'or. Puis, sous un tas de débris informes, ramassés çà et là dans l'état d'ordure, on découvrit une chemise dont le devant était maculé de sang. L'homme se défendit, nia avec énergie, invoqua un alibi. On se trouvait en face d'un individu d'une intelligence ou plutôt d'une perversité insoupçonnée. Il tenait tête au magistrat avec une maîtrise de soi, avec une sorte d'éloquence, qui eussent pu les ébranler si l'évidence eût été moins éclatante. Mais, outre que son avis n'était rien moins que prouvé, les témoins qui l'invoquaient ayant été surpris en flagrant délit de contradiction, un coup de théâtre vint dissiper les derniers doutes. Deux témoins, un honnête ferrailleur, un de ses enfants d'Auvergne, qui pour être à Progain n'en ont pas moins, comme on dit, le cœur sur la main, se décida à parler. Locataire de la cité Brévin, il avait, en rentrant chez lui le 22 décembre, à 1 h du matin, vu un homme qui sautait de la fenêtre de la rue Pouchet, qui s'enfuyait dans la direction du boulevard Bessières. Et il l'avait bien reconnu, le rôdeur des fortifications, le chanteur des bouillis-bouillis. Ce n'est pas tout encore. Son témoignage fut corroboré par celui d'une pauvre femme, mère d'un enfant, et qui s'était croisée avec lui la même nuit, à la même place, et à qui il avait montré l'assassin. Une scène d'une violence inouïe fit scandale à la cour d'assises. En face de ces témoignages, si désintéressés et par cela même si écrasants, l'accusé eut un accès de fureur ressemblant à une attaque de folie. Il invectiva les témoins, leur adressa les injures les plus grossières, essayant de se dégager de l'étreinte des municipaux pour bondir sur eux. Ce qui amena sur les lèvres du président cette spirituelle remarque « Pour un apôtre de la bonté, vous paraissez avoir la main vive ». La cause était entendue, en dépit des efforts de son avocat, le jury rendit un verdict affirmatif, tempéré, on ne comprit guère pourquoi, par des circonstances atténuantes. Mathurin Sordet fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Fouinard avait dit tout cela, les yeux fixés sur des notes qu'il avait sorties de sa poche, n'ajoutant aucun commentaire. « Mais, dit Suzon, vous ne nous avez parlé que de l'assassin. » « Eh bien, et l'assassiné ? Qu'est-ce que c'était que cette femme-là? Son mari, qui est-il? Je vous ferai remarquer, petite Suzon. » Fouinard ne la tutoyait pas encore, que ni Justine, qui est pourtant une demoiselle, ni Isaac, dont je loue la correction, ne m'ont adressé cette question. Pourtant elle est bien naturelle, fit Suzon, un peu vexée. Je suis logique, voilà tout. Et vous croyez que ce n'est rien? Et toi, Michel, qu'est-ce que tu dis? Moi, rien, j'attends. Je te connais, tu ménages tes effets. appelle-moi Cabotin tout de suite. Eh bien, c'est vrai. Je suis sûr que dès maintenant, vous vous dites, il y a quelqu'un dont Toto ne nous parle pas, le mari. Ce doit être lui, qu'a estourbi sa femme. Dame, ça n'est pas impossible. D'autant plus que je vous apprends ceci. La femme avait plus de 50 ans, le mari 40 à peine. Elle était millionnaire et avare, lui sans le sou et horriblement dépensier. Eh bien, c'est évident, fit Michel. Il a commis le crime et il a été assez habile pour le faire endosser à un autre. N'as-tu pas dit toi-même que les témoins avaient été subornés? Toujours la logique. C'est avec ça que mon bon ami Charlet va de gaffe en gaffe. Explique-toi, dit Michel, vexé à son tour, au lieu de te moquer de nous. Toto tira un journal de sa poche. Il eut soin de le plier de façon qu'apparut seulement la manchette de la première page et la montra. Une révolution scientifique, un triomphe à l'Institut, le moteur idéal à pile sèche. Quoi ? S'écria Michel. On a enfin trouvé cette pile sans liquide que l'on cherche depuis tant d'années ? Oui, oui, dit Fouinard. La pile, qui sous un volume très petit, engendre une force énorme. Une automobile fera 1000 lieues avec un moteur d'un pied carré. Et qui a inventé cela ? Un homme dont le nom était déjà célèbre, presque à l'égal de celui de Curie, de Berthelot. Maintenant je découvre ce nom. Boisselin, s'écria Michel. Ah certes, tout le monde le connaît celui-là depuis son invention de la visibilité du son. Eh bien, mes petits-enfants, cet homme est le mari de la femme assassinée rue Pouchet. Croyez-vous encore qu'il soit le coupable ? Non, non, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible, a dit Arago, sinon en mathématiques pures. Et encore, il se trompait. Poincaré le lui a prouvé. Pas d'axiome, pas de dogme, 2 et 2 ne font pas 4. La ligne la plus courte d'un point à un autre n'est pas la ligne droite. Tu deviens fou, Toto. Point. Il n'y a que des approximations. Il vous apparaît que notre grand Boisselin ne peut être l'assassin de sa femme. Moi aussi. Car il est prouvé qu'à l'heure où on l'a tué, il était dans son laboratoire, rue de la Vieille Estrapade, avec son préparateur, M. Pointre. Il en est sorti à 2 heures, et sa voiture l'a ramené à la rue Pouchet. La cuisinière l'a entendu rentrer et presque immédiatement appelé au secours. Quand on est accouru, le corps était froid, la mort remontait à au moins 1 heure. Il n'y a pas d'axiome, soit, mais si celui-là est coupable, je donne ma langue à Isaac. Est-ce qu'il a hérité de sa femme ? Demanda Susan. Absolument. Le contrat de mariage stipulait donation au dernier vivant. Alors, grâce à l'assassinat de sa femme, il est devenu millionnaire. Oui. Donc, vous le croyez coupable ? Je ne dis pas cela, fit Susan. Mais enfin, vous le croyez tout de même. Et toi, Michel, pareillement. Et toi, Isaac, bon chien qui me regarde de tes yeux ronds, qu'est-ce que tu en penses ? Ouah ! Ouah ! Fit Isaac en remuant la queue. Tu manques de franchise, lui dit Toto. Tu réponds en normand. Mais enfin, et toi, Toto, dis-nous donc ton opinion. Mathurin Sordet est innocent, oui. Le savant Boisselin est innocent, oui. Pourtant, la femme a été assassinée. Par qui ? Je n'en sais rien, dit simplement Fouinard.